qui te voit très puissant. Le marchand qui plus rien ne sent. Son baratin, y'a que toi qui l'entends. Ma parole, jamais je te la rends. La vie des gens ne t'intéresse que quand toi et ton banquier s'engraissent. Tout n'est plus que le business. Alors dans ma tête, tu me dis sans cesse. Fureurs qui donneront bientôt de la voix. Il faudra nous remettre en marche pour que le repos achève nos pas. Se dissipe, revient le temps des révolutions. Comme la brume qu'avec le soleil se dissipe, tu reviendras des clarifications. Quand tes rêves révolution se dissipent, cherche une autre évolution. Pour que quand les rêves d'évolution se dissipent, revienne le temps des révolutions. Quand les rêves d'évolution se dissipent, revient le temps des révolutions. Comme la brume qu'avec le soleil se dissipe, je quand les rêves révolutions se dissipent, cherche une autre évolution. Pour que quand les rêves révolutions se dissipent, le révolution.